Épilogue. Après le débarquement des Alliés, Léo et Odette tinrent absolument à être à Paris pour aider à sa libération, mais aussi pour savoir enfin où était Louis. Odette était certaine qu'on le retrouverait dans une rue de Paris, au hasard d'un attroupement ou dans un convoi de prisonniers de retour des camps. Le lieutenant Schuller fut parmi les derniers Allemands à quitter Paris. Jusqu'au bout, il avait cherché à mettre la main sur le major Müller, sans succès. Rue Rivoli, passant en trombe dans sa voiture, il reçut une balle en pleine tête tirée d'une fenêtre par un lieutenant dont les galons tenaient par des épingles sur la veste. Il s'agissait du lieutenant Bernon, plus connu sous le nom de René Beauchamp dans la Résistance. Odette finit par apprendre que Louis avait été déporté à Auschwitz-Birkenau, en même temps que le couple Silber. Commence alors une longue attente qui se prolongea pendant plusieurs mois, faite d'espoir et de déprime. Odette ne pouvait se résoudre à la mort du mari qu'elle avait tant aimé. À chaque train de prisonniers revenant des camps, elle posait des questions aux responsables qu'elle croisait. Jusqu'à la dernière minute, tenant David par la main, elle s'attendait à voir enfin surgir la silhouette de Louis. Elle se reprochait de ne pas avoir été assez câline, assez attentionnée, assez à l'écoute de cet homme si bon et si sensible. Petit à petit, presque tous les membres de l'orchestre rouge avaient été dénoncés ou découverts grâce aux messages interceptés par les services secrets allemands. Arrêté, puis torturé, Pinault avait parlé de Louis, du major Müller, mais cela n'avait pas suffi à sauver sa tête. Il fut fusillé à la Sauvette un mois avant la libération de Paris. Finalement, Odette se résigna mais entra dans une espèce de sacerdoce en se dévouant totalement à David, ce fils qui était le sang de son mari défunt. Quand David fut au collège, pendant ses longues soirées de solitude, Odette eut tout le temps de tourner et retourner dans sa tête l'inexpiable faute qu'elle avait commise. C'était bien elle qui avait signalé que Louis pourrait se charger de certaines tâches. Lorsque son mari lui avait raconté son recrutement, elle était dubitative quant à la méthode employée. Qui était ce Pinault qu'elle ne connaissait pas? Quand elle le rencontra enfin, elle comprit mais n'eut pas le courage d'avouer la vérité à son mari. En fréquentant les amicales d'anciens résistants, Odette finit aussi par apprendre que ce Pinault n'était qu'un des membres peu scrupuleux de l'Orchestre Rouge. Cette révélation la jeta dans une dépression qui dura plusieurs mois. Tout bien considéré, c'était comme si elle avait tué elle-même son époux. Elle ne se remaria pas, malgré les attentions discrètes de Léo qui se consumait d'amour pour elle. Elle fut là pour recueillir le dernier souffle de Madame Kübler, dont elle s'était occupée avec tendresse. Dans une mansuétude inattendue, Schuller avait finalement relâché la vieille dame, vu son âge. Une fois la France libérée, Madame Kübler jugea qu'il était temps pour elle de tirer sa révérence. Ce n'est qu'en 1948 qu'Odette put entrer en jouissance de son héritage après des démarches à n'en plus finir. Léo demanda la nationalité française et s'associa à Hans pour prendre une concession automobile. Les premières années furent rudes, mais à partir de 1960, leur affaire décolla littéralement. Petit détail croustillant pour les uns ou sordide pour les autres, à la libération, la secrétaire de Carme, qui avait fait son beurre avec les Allemands, trouva le moyen de s'en sortir à bon compte. Rue de Rivoli, les adversaires tiraillaient de tous côtés. Gardant son sang-froid, la secrétaire saisit le revolver de son patron, l'officier allemand, et se porta près d'une fenêtre, soi-disant pour faire le coup de feu. Elle se retourna alors et logea une balle dans la tête de l'officier. Puis elle descendit l'arme à la main et fut interceptée par des FTP. Très vite, elle expliqua qu'elle venait de liquider un officier que l'on retrouva d'ailleurs baignant dans son sang. Aussitôt, on lui mit un brassard et elle fut enrôlée dans la bande. En fin d'après-midi, elle disparut subitement pour ne reparaître que 5 ans plus tard. Elle reprit l'affaire de Carme, ne vendant cette fois que du plaisir, toujours avec le concours de filles et de garçons juifs. Les uns servaient de garde du corps, quant aux autres, la secrétaire leur apprenait le métier avec toute la pédagogie qu'on lui suppose. Si vous passez dans le quartier, rue Tournefort, vous remarquerez une plaque rutilante en laiton. David Silberfogel, médecine générale. Dans le cabinet de ce praticien, un tableau modeste renferme une petite seringue derrière une vitre. Un mot indique en dessous « arme utilisée par mon père pendant l'occupation ». Une médaille de la Légion d'honneur tient compagnie à la seringuette. Le soir, l'immeuble est quelquefois bercé par une valse de Chopin jouée sur le piano de Mademoiselle Delabarre.